Bonjour, mesdames, messieurs. Une quarantaine de citoyens de Malartic ont l'intention d'intenter un recours collectif contre l'entreprise Osisko. Ils habitent tout près du mur de sécurité qui sépare la mine et le centre-ville et se plaignent de certains inconvénients de la construction de la mine à ciel ouvert. Ils ont d'abord déposé une pétition à l'entreprise en demandant un dédommagement de 10 000 $ par propriétaire, ce qu'a refusé Osisko. Les explications de Sandra Ataman. On n'est pas contre la mine. Regarde, je pense qu'on n'a plus de vie dans nos maisons. Joël Fauché habite à 4 maisons du mur qui le sépare de la mine à ciel ouvert. Aussitôt, ils nous ont offert 4 000 de dédommagement. Mais moi, je pense que 4 000, c'est pas vraiment acceptable, je trouve, pour tout ce qu'on a enduré ici. L'entreprise a aussi offert 4 000 $ à Nathalie Dubé. Elle a refusé l'offre. Elle qualifie sa vie d'infernale depuis le début des travaux. Le bruit est intense du matin au soir. Le bruit, la poussière, même l'odeur. Là. OK, ils nous ont fait une belle aire climatisée. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est quoi une aire climatisée quand tu peux pas ouvrir tes châssis l'été? Oui, l'aire climatisée, elle vaut 400 $. Mais c'est quoi le bruit, la tranquillité de ton chez-soi? Une quarantaine de résidents de ce quartier demandent une compensation financière de 10 000 $. La directrice des communications de la corporation Osisko, Hélène Thibault. Nous avons bien avisé la représentante qu'il n'était pas question que Osisko paie une compensation de 10 000 $ par personne. Puis remarquez, on continue à rencontrer ces gens-là pour mieux comprendre la situation. La compagnie va ériger un mur de son pour réduire le bruit dirigé vers la ville. Les citoyens sont tout de même décidés à se battre jusqu'au bout. Sandra Ataman, Radio-Canada, Val-d'Or.